95e leçon. Joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons des expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord, des expressions de politesse, dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous me dire... Je voudrais savoir... Pourriez-vous m'aider ? C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ou de rien. Est-ce que cette place est prise ? Est-ce que ça vous gêne si... Allez-y. Ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. Oh, c'était délicieux. Pardon ? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît ? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bon retour. À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps, cependant. Allez-vous-en ! Fichez-moi la paix. Taisez-vous. Exercice. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre ? Allez-y. Pourriez-vous m'aider à traduire le menu ? Au revoir et bon retour. À bientôt. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Cambon ? Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave.